Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Marvelicious, épisode aujourd'hui consacré au jeu TCG Lorcana, le fameux jeu de cartes. C'est le troisième épisode dédié sur ce podcast à ce jeu de société, il faut dire ce qui est. Et j'ai le privilège d'avoir deux invités, Tom et Revan, les propriétaires de la chaîne YouTube qui est à leur nom, Tom et Revan, chaîne dédiée exclusivement au jeu TCG Lorcana. Merci encore une fois à eux d'avoir accepté l'invitation, mais aussi merci à eux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. De Marvelicious, épisode consacré aujourd'hui au TCG Lorcana, c'est le troisième. Bonjour à tous, et on va parler aujourd'hui du 7-6, du challenge européen Lorcana, on va parler de l'actualité. Je suis accompagné de deux nouveaux invités dont la chaîne YouTube fructifie, je sais pas si ça se dit, mais on va le dire quand même, de vidéos sur Lorcana. Voilà, Tom et Revan, du coup, je sais pas, ou Revan et Tom, je sais pas lequel qui veut se présenter en premier. Revan, allez. On va allez, c'est Revan. Moi. Bah, bonjour, merci pour l'invitation. Allez, Revan. Et voilà, Revan, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, j'ai rejoint Tom à la base qui avait sa chaîne YouTube qui s'appelait Lorcanalyste, qui avait commencé au tout début de Lorcana. Moi, j'ai pris le train en marche parce que j'étais enchaîné un autre TCG et j'étais pas du tout dans Lorcana au début. Yu-Gi-Oh! Voilà. Oh, il y en a donc, plein qui m'en ont parlé de ça, Yu-Gi-Oh! Donc voilà, mais financièrement, je ne pouvais pas faire les deux. Du coup, je suis resté dans Yu-Gi-Oh! Et un jour, Tom est venu chez moi et m'a dit: mais essaye, tu vas voir, c'est sympa. Alors que faut savoir que je suis un grand fan de Disney et que je n'ai pas succombé au chapitre 1, c'était bizarre. Et du coup, Tom m'a un petit peu poussé et au bout de 20 minutes, j'ai dit: bon, allez, on est allé sur Card Market et j'ai acheté toutes les cartes pour faire un deck, du coup, et voilà. Et puis après, j'étais lancé. Il m'a proposé d'arriver sur sa chaîne, qu'on fasse les choses ensemble. Parce qu'il faut savoir qu'avec Tom, on est des amis d'enfance aussi. Et ça nous permet de continuer à faire des activités et de partager des choses qu'on aime ensemble. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que maintenant, la chaîne, c'est Tom et Revan. Et on adore, on kiffe faire ça. Ça se regarde. C'est la chaîne, elle a changé de nom ou vous avez créé une nouvelle chaîne, Tom? La chaîne a changé de nom. Je m'étais lancé un peu tout seul au tout début du chapitre 2 et j'ai proposé à Revan de me rejoindre, fin du chapitre 2, début du chapitre 3, il me semble. Et voilà, et on a juste changé le nom de la chaîne. Comme ça, pas besoin de recréer quelque chose. On gardait les quelques abonnés qu'on avait, qui étaient déjà là, quoi. Que tu avais fédéré tout seul. C'est ça. Maintenant, vous les fédérez ensemble. C'est exactement. Et en plus, vous n'avez pas participé à la pénurie du chapitre 1, donc c'est encore mieux. Et oui. Vous vous souvenez le départ du chapitre 1 ouais. Parce que Revan disait tout à l'heure qu'il n'avait pas vu. J'avais des connaissances qui, 2, justement, avaient acheté du chapitre 1 en précommande et ça leur avait coûté une fortune juste de précommander. Ils étaient à presque 1000 euros pour avoir une case. C'était n'importe quoi. Je suis bien content de ne pas avoir fait ça. Il faut juste attendre. Non, oui, c'est alors ça. Moi, j'ai eu deux decks. J'ai eu deux displays. J'ai eu la chance d'avoir deux displays. Ah, ouais, la seule chose que j'ai eue, c'était les trois decks de démarrage à l'époque. Il y en avait trois. Ouais. Oh, c'est trois decks mal, hein. De structure. Tu pouvais bien jouer avec les decks de démarrage. Bah, on pouvait les acheter directement sur le site de Ravensburger et c'est comme ça que je les ai eus. D'accord. Bon. Voilà. Ah, t'as bien eu les trois différents parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont tombés sur plusieurs le même exemplaire. Non, les trois différents. Ouais. Ok. Alors, du coup, Revan, plutôt Yu-Gi-Oh ou l'Arcana maintenant alors? J'ai totalement arrêté Yu-Gi-Oh! J'ai un placard qui se diminue de semaine en semaine. Je me sépare de toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! Petit à petit. Certaines, ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai mis pas mal de temps de recherche pour les avoir. Mais je suis full l'Arcana maintenant et je suis bien content d'avoir changé parce que que ce soit le jeu ou la communauté, elle me correspond complètement. Contrairement à Yu-Gi-Oh! Et toi, Tom, tu connaissais d'autres TCG avant l'Orcana? Parce que par exemple, Revan disait qu'il jouait beaucoup à Yu-Gi-Oh! Mais Tom, est-ce que tu jouais à d'autres TCG avant? Ouais, bah. Ils vont tous nous sortir. Évidemment, je jouais à Yu-Gi-Oh! Uniquement avec Revan. À toi aussi. Okay. On jouait quand on se voyait et aussi en remote. Hein, on se filmait notre plateau et on jouait à distance comme ça. Mais j'étais. Comme vous faites dans vos vidéos? Ouais, c'est exactement. Ça. Mais je jouais de manière non compétitive. Je jouais que avec Revan, alors que Revan, lui, faisait des tournois près de chez lui. Mais sinon, en autre TCG, à l'époque, j'ai joué à WoW TCG, donc World of Warcraft TCG, qui était un excellent jeu, mais qui s'est arrêté lorsque Hearthstone est sorti. Et donc, j'ai beaucoup joué aussi à Hearthstone, qui est en soi un TCG, mais numérique. Et donc j'ai joué beaucoup, pas mal d'années en tout cas à Hearthstone. Et là, ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai arrêté Hearthstone et que maintenant je ne fais que du Lorcana en TCG. Oui, Hearthstone, pour ceux qui nous entendent, c'est un TCG mais version numérique puisque vous n'avez pas de carte physique, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Et c'est sous licence Blizzard World of Warcraft. C'est cela. Écoutez, merci en tout cas Tom et Revan d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme je disais, c'est qu'on avait parlé du 7-6, mais avant, j'avais prévenu en off qu'on allait parler du 7-5, mais je ne vais pas faire une redite, puisque vous avez fait une excellente vidéo sur le bilan du 7-5, que je vous invite tous à aller voir. Je mettrai en lien sous la légende du podcast, le lien vers leur chaîne, vous verrez qu'il y a un bilan. Moi, j'aimerais savoir, au-delà du bilan, quelles étaient pour vous les cartes du 7-5 qui vous ont plus, dont l'impact a été plus présent par rapport aux autres. Je vais laisser le maître Steel Song parler. On a sûrement pensé à la même carte, je pense. Il y a deux cartes côté Stilsong effectivement qui ont eu beaucoup d'impact. La première, c'est, je pense que c'est celle-ci que tu pensais, c'est le Prince Naveen. Évidemment. Le Prince Naveen, donc qui coûte 4, non ancrable, qui permet de jouer une chanson d'un coup de 6 ou moins directement lorsqu'il arrive en jeu. Donc ça permet d'accélérer énormément le jeu. Et ensuite, en plus, il peut chanter des chansons d'un coup de 6 ou moins. Donc c'est une carte qui est extrêmement forte dans le jeu aujourd'hui et principalement c'est probablement la meilleure carte du 7-5 en tout cas je pense. Et ta deuxième carte du coup, c'est-à-dire il y a deux cartes qui sortaient du jeu. Ouais, la deuxième carte c'est le pat arbitre côté acier qui justement empêche quand il est joué et qu'il arrive en jeu, il empêche l'adversaire à son prochain tour de jouer une action. Donc une action ou une chanson, et ça permet de bloquer l'adversaire, de récupérer un peu le rythme de la partie à son avantage. Et donc, effectivement, c'est une carte qui est très très jouée dans tous les decks aciers du format, même encore actuellement. Alors, à mon avis, elle va rester longtemps, celle-là. Je peux juste rajouter une carte, moi, je pense qu'une des cartes qui a fait parler d'elle, c'est la Daisy. La 1 non ancrable qui l'or pour 2. Ouais. Celle-là, elle était vraiment présente dans tous les decks jaunes à peu près. Et elle est encore présente maintenant, contrairement au Naveen, qui lui a commencé à disparaître, même s'il est encore joué, évidemment. Et j'ai l'impression que même quand j'ai regardé les championnats et puis qu'il y a quelques tournois où je vais, j'ai l'impression que le style song depuis cette 6, il a moins la cote. Alors, il a moins la cote parce qu'il y a beaucoup de bleu-rouge. Je représente le bleu-rouge ce soir. En fait, le bleu-rouge mange le style song. Parce que le style song a besoin de board pour faire ses sorts sur les ennemis. Et le bleu-rouge peut éviter jusqu'au tour 4 de mettre un personnage, si je puis dire, qui est Flavorsham ou la grand-mère Tala, et pour commencer à enchaîner faire son combo habituel au final. Et c'est vrai que le jaune, en plus de ça, a des persos avec de faibles attaques et qui peuvent se prendre tout ce qui est rouge blast, c'est-à-dire les bagarres ou les petites ciseaux. Et du coup, ça a mis un gros coup dur au style song, justement pour ça. Mais là, pas style song. J'aime pas style song, je fuis, je sors de la table et je m'en vais. Le souci, c'est que là, ouais, effectivement, le bleu rouge est très dominant, mais on commence à revoir style song avec des builds un peu différents, avec le nouveau Simba et la nouvelle Lilo du 7-6. Plus aggro. Ouais, ça rend le deck un peu plus aggro. En fait, je pense qu'il a été plus difficile à construire, ce deck. Et maintenant, on commence à voir des listes qui arrivent à rivaliser contre bleu-rouge. Et ce deck est très fort contre les autres decks présents dans la méta. Donc, on va revoir Steel Song bientôt, je pense. Je veux pas. J'aime pas. D'ailleurs, donc Tom, toi, t'es plutôt style song. Toi, Revan, ouais. Tu es plutôt ruby et puis comment ah, le bleu, c'est quoi déjà? Saphir, voilà. Moi, je suis plutôt améthyste émeraude. Voilà. Je joue beaucoup. Depuis le 7-1, je joue qu'à ça. Violet vert. Voilà. Améthyste. Ouais. Améthyste émeraude. Voilà. Améthyste, voilà. Bon, alors du coup, au final, vous avez bien aimé ce 7-5 ou par rapport aux autres? Alors, peut-être pas le 1, parce que le 1, de ce que j'avais compris, vous n'avez pas non plus été investi dès le départ dedans. C'est plutôt vers le 7-2 que vous avez plutôt été impliqué. C'est ce que j'ai compris, mais par rapport aux autres 7, est-ce qu'il vous a plutôt plu ou pas? Je vais commencer si tu veux. Ouais, moi je trouve que ce 7-5, il m'a bien plu parce qu'on a vu une pluralité de decks performer lors des tournois. Même des decks qui étaient, on va dire, considérés comme tier 2, tier 3, ont fait des tops et ont gagné des tournois. Donc, le fait qu'il y ait cette diversité de choix de decks, moi, je trouve que ça ajoute quelque chose qui fait que la méta est agréable à vivre. On ne sait jamais trop contre quoi on va tomber. Et il faut analyser un peu tous les match-ups pour réussir. Et ça rajoute de la profondeur au jeu, quoi. Ouais, je trouve que le jeu est quand même assez équilibré. Il n'y a pas un deck qui écrase tous. Il y a des decks surreprésentés évidemment, mais de manière globale, je pense que bien joué, bien étudié, comme tu disais Tom, c'est tout est possible battre tous les decks. Et après, en termes de tournoi aussi, il y a toujours ce fameux facteur chance. Si on est style song et qu'on évite tous les bleus rouges, évidemment ça aide. Puis aussi le tirage de cartes, faut tout mettre sur la carte aussi, oui. Qui arrive au bon moment, c'est important. Ça c'est l'âme des cartes. Ok, merci pour ce. Oui, l'âme des cartes. C'est pas dans Yu-Gi-Oh qui dit ça, l'âme des cartes. C'est ça, ouais, exactement. Il y a des restes. Non, je regardais le manga à la télé, mais au bout d'un moment, ça m'a gavé. Voilà. Mais non, j'arrivais plus à comprendre l'histoire à la fin. Voilà. Mais en tout cas, j'avais entendu beaucoup de bien du jeu Yu-Gi-Oh! Voilà, alors merci pour ce petit bilan du 7-5 qui était bref, mais bon. Alors le 7-6 maintenant, parce que c'est là qu'on est aussi pour en parler. Le 7-6 qui s'appelle la mer Azurite. Donc voilà, qui est plutôt sur le thème de la mer, de la piraterie aussi. Puisque, des pirates, Il y a beaucoup de cartes. Des pirates. Des pirates, alors qu'avant on avait quand même pas mal de mousquetaires. Maintenant on est sur du sur du pirate. Donc ma première question, c'est quelles sont selon vous les cartes les plus intéressantes de ce set? Moi je commencerai en disant le fameux génie là, le fameux génie 4 non ancrable qui est c'est quoi cette couleur, améthyste violet, qui est l'or pour 2 et que quand il arrive il pioche une carte. C'est je pense l'une des cartes les plus, celle qu'on n'a pas envie de voir en face de soi. Elle met une pression énorme sur le board parce que étant insaisissable et le rend pour 2 et en plus avoir 4 de volonté, enfin de vie, ça fait de lui une énorme menace et un énorme bonus pour l'adversaire d'avoir cette présence sur le board. Et pour une, je crois que c'est une rare, je crois. C'est une rare, c'est ça. C'est ça. Pour une rare, je trouve que le ratio, le ratio utilité rareté est vraiment haut pour une carte avec une rareté aussi basse. Donc, je trouve que c'est proportionnellement une bonne carte. C'est proportionnellement une bonne carte par rapport à qui est super fort mais en légendaire. C'est le Maui Shark. Super fort, après tout est à débattre, mais le Maui Shark pareil, il a une énorme prestance mais lui il est légendaire et donc du coup je trouve que le ratio il s'amenuise un petit peu par rapport à sa rareté, mais ça reste une très bonne carte aussi, hein. je le dénigre pas, le Maui. Maui Shark, Maui requin d'ailleurs qui est en rubis. Oui, requin, c'est ça. Alors Tom, dis-moi là, toi, la carte la plus intéressante pour toi. Du coup, Revan, il a parlé du génie, et la deuxième carte, on va dire, très marquante de ce set, c'est la Gogo Tomago, côté Emerald, qui rend le deck violet-vert extrêmement fort, et qui, justement, met une pression à l'adversaire, change un peu ses plays, et évite d'avoir des dégâts sur son board, parce que sinon, ça peut faire gagner du lore rapidement. Donc, pour expliquer un peu la carte, c'est un personnage qui coûte 2, qui est ancrable. C'est une 2-2 insaisissable, il me semble. Elle lore pour 1. Mais quand elle arrive en jeu, on peut payer 2 de plus. Donc, en fait, elle coûte 4. Et on choisit un personnage adverse qui a des dommages sur lui. Et on gagne autant de lore que de dommages sur le personnage. Et dans la méta actuelle, qui joue un bleu-rouge par exemple à ses contrôles, ou même on voit souvent la Elsa qui a 5 de vie, on arrive facilement à gagner 3 voire 4 éclats de l'or avec cette Gogo Tomago. En plus, en violet-vert, on peut la bounce, donc la récupérer en main pour pouvoir la rejouer. C'est une carte qui permet à violet vert en tout cas d'aller très vite en lore, et même si par exemple on est à 15-16 de lore et qu'on n'a plus trop de board, plus trop de cartes en main, eh bien elle peut quand même faire gagner la partie et l'adversaire est obligé maintenant de jouer autour de cette carte. Alors moi j'en ai une plus que Génie veut exaucer, alors que j'aime beaucoup, mais elle est sortie, c'est Hadès Duo des Enfers. Elle est 6 non ancrable. Elle est améthyste. Oui, violette. En fait, durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous gagnez 2 éclats de l'or. Il vaut 3 éclats. Mm-hmm. Il faut la sortir, mais quand tu peux la sortir, c'est plutôt pas mal. Voilà. Est-ce que pour vous, il y a des cartes qui sont sous-cotées et qui permettent quand même d'avoir une attention particulière? Ah. Je pense justement au... Au Hadès que tu viens de parler, c'est une carte qui aujourd'hui n'est pas extrêmement jouée, mais comme tu le dis, a un effet qui est super intéressant, qui peut vraiment poser problème à l'adversaire. On l'a vu d'ailleurs dans les phases finales d'un deck violet-gris. Et du coup, cette carte pour moi est sous-cotée et est une bonne carte, effectivement. Et toi, Evan, du coup? Alors moi je sais pas si elle est... Alors elle est clairement sous-cotée, mais pour raison. Mais j'aimerais bien la voir performer, c'est le B-Max. Le B-Max légendaire qui, quand il arrive en jeu, qui part à l'aventure, soigne de jusqu'à 2 dommages et gagne un éclat de l'or égal au nombre de dommages soignés. Le compagnon blindé, il s'appelle. Celle-là, j'aimerais... J'essaye de construire un deck en ce moment avec cette carte, justement. J'aimerais que cette carte-là soit vraiment, vraiment mise en avant, parce que bah déjà, le nouveau héros, qui est un dessin animé quand même super classe, et en fait, son effet de gagner du lore en soignant, bah c'est vraiment bien, ce qu'on avait la réponse à chapitre 1, qui elle soignait et piochait, du coup. Et lui, bah, du coup, soigne, mais gagne du lore. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment mis dans ce chapitre, et même depuis le chapitre précédent, un système en place pour gagner du lore passivement. C'est pas en partant à l'aventure en fait, qu'on va vraiment gagner de l'or. C'est vraiment avec des actions. Par exemple, je reprends le Maui requin qu'on a parlé juste avant. Et en fait, on peut jouer juste le Maui requin, et en lui-même, il est déjà rentable si on a joué une action, parce qu'on a gagné un de l'or. Et on peut en jouer plein, et ça nous fait gagner du lore, et ça accélère sans pour autant aller chercher à partir à l'aventure. Et ça, je trouve que c'est un mode de jeu que j'aime bien, avoir ce système de passivité dans le gain de l'or. Merci pour cette réponse. Alors, moi, je pensais à une autre carte, encore, c'est une améthyste encore, mais je pensais à la rose blanche. Je trouve qu'elle est pas mal aussi. Ouais. Je la trouve pas sous-cotée pour le coup, parce qu'elle est quand même pas mal jouée. Elle est très jouée, ouais. Elle est pas mal jouée dans les decks Bounce violet-vert, je crois. Mmh. Violet-gris aussi, elle est jouée. Et moi, elle m'énerve, parce qu'à chaque fois, je la prends pas en compte et je me fais avoir par la rose. Quand c'est pas par le Merlin-chèvre. C'est ça. Je préfère voir que des chèvres, à la rigueur. Ou que des roses. Vraiment, à choisir que des roses. C'est moins punitif. Oui. C'est vrai. Pour vous, alors on va parler un peu méta, mais vous avez déjà fait des vidéos dessus, mais ma question est la suivante, c'est pour vous, quelles sont les cartes du 7-6 qui, pour vous, à part ceux qu'on vient de citer, reviennent le plus souvent dans les méta, dans les dernières méta? Alors, mis à part celles qu'on vient de citer, bien entendu. Donc, une carte du 7-6 ou... Oui, du 7-6. Ou en général. Ah, okay. Bah, y en a une qu'on n'a pas parlé, c'est naviguer sur la mer Azurite. Ouais. Qui est quand même un énorme up pour le bleu slash rouge, bleu violet aussi, il la joue, qui est de, si on joue cette carte, on peut piocher une carte et en créer une nouvelle fois pendant ce tour. Donc ce qui est quand même pas mal, ça remplace la carte je vole dans laquelle on ne savait pas ce qu'on en crée, et ça permet d'avoir une meilleure consistance dans le deck, et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est une carte qui est très forte et qui est pas... C'est une commune, je crois, en plus. Donc pareil, on rejoint ce côté... on rejoint ce côté ratio, rareté... comment on peut appeler ça, enfin, pas succès, mais qui est très pratique dans le deck, qui le rend vachement plus consistant. Je trouve que c'est une très bonne carte pour ça. Après, c'est je sais une pas carte si par 4 fois dans son deck, je suppose. Ah ouais. 4 fois, 5 fois même, si on peut. Tu peux pas, c'est mort. On veut la piocher. Sinon, moi, je te mets 60 roses, c'est bon. On peut faire 99 dalmatiens. Il y a une rumeur qui dit que ça existe vraiment, qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ah bah oui, ça oui. Tom, alors, du coup, toi, tu as déjà vu, non? Parce que tu fais les tournois, tu as déjà vu? Ouais, j'ai un pote qui l'avait fait, il n'en avait pas mis 99, mais il en avait mis une sacrée quantité. Bah, on voit beaucoup de chiens, je ne veux pas le cacher, mais ils ne sont pas compliqués à gérer. Donc ça va. J'ai déjà joué avec le deck sans dalmatien, et il faut jouer des Bruno et puis la grand-mère Madrigal, je crois, qui permet en fait d'aller chercher le Bruno. Et le Bruno, et il dit que quand on part à l'aventure avec, on peut citer la carte du dessus de notre deck et on la joue, je crois, directement. Et du coup, ça permet de... On dit chiot dalmatien, et forcément, on a un chiot dalmatien au-dessus du deck. Et ça permet de gagner du lore et de jouer le personnage. Enfin, voilà. D'ailleurs, depuis que Tom a joué ce deck, il n'a plus qu'un seul ami, qui est Revan. C'est ça. moi, avec la chance que j'ai, je ne serai même pas de dalmatien. Ouais. Attends, je sais que je piocherai pas de Dalmatien moi avec ce deck. Je suis sûr que j'y arriverai pas. Déjà que la Ariel me donne une chanson toutes les 4 fois. Ouais, voilà. Ah, oh, ça serait trop bien d'avoir des Aristochats un jour. Bah, je sais pas. Ils peuvent, s'ils sont décidés. Oh, bon, ça va sortir. On aura Volt bientôt. Oui. Ouais, on va avoir Volt. Ouais. Et toi, Tom, est-ce qu'il y a des cartes qui reviennent ou toi, pour toi dans les decks Des cartes fortes du 7-6 qui reviennent. Côté gris, il y a Kaloun qu'on voit de temps en temps dans les decks violets et gris. Donc, qui est un personnage qui coûte 2, qui est non ancrable. Et qui a résiste plus 1, et quand elle bannit un personnage, on gagne 2 de l'or. Donc elle met une certaine pression sur le board quand elle arrive en jeu. Voilà. Ça fait penser un peu, tu sais, au Ruby Dingo. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, quand il bannit lui aussi, ouais. Il enlève 2. Avec sa cape de super-héros, là. Ouais. C'est ça, je sais plus, c'est Dingo. Il attaque celui qui la charge, c'est ça? Ouais, c'est quand il attaque. Kaloun, c'est quand elle bannit, ouais. Ouais. Oui. Quand elle bannit. C'est plutôt pas mal. Ça fait penser à ça. Il coûte moins cher au final. Il coûte que 2. Je crois que le dingo est tout. 4 ouais. Ou 5. C'est pas les mêmes stats. Il est ancrable. Oui, la charge aussi. Il est ancrable. Oui, pas. Ça aide, charge. C'est ça. Bon. Pas d'autres cartes qui vous arrivent à l'esprit comme ça, à part celle-là Automago, ça en a déjà parlé. Pour moi, revient souvent. Côté gris, il y a le Pluto et le Gantou aussi qui sont joués. Le Pluto qui est joué dans le style Song aussi et dans le violet et gris parce que quand c'est une 4 ancrable et c'est une 5-5 quand elle arrive en jeu avec rempart. Par contre dès qu'elle a un dommage sur dès que le Pluto il a un dommage sur lui, il n'a plus que 1 d'attaque. Mais du coup c'est un gros body quand il a pas de dommage sur lui. Et le Gantou, c'est une carte qu'on voit pas mal en ce moment parce que bleu-rouge est très joué et le bleu-rouge a du mal à le gérer. C'est pour 5, il est ancrable, 4 d'attaque, 3 de vie, mais il l'or pour 4. Donc c'est une carte vanilla, ça veut dire qu'elle n'a pas d'effet, mais elle a des statistiques qui sont très élevées. Et le fait d'avoir ce 4 d'attaque, le bleu-rouge a du mal à le bannir et il l'or pour 4. Et le bleu-rouge a du mal à gérer les decks aggro. Donc, Gantou est pas mal aussi. Alors, on a parlé du violet, du vert, du rouge, du bleu, du gris, des cartes qui reviennent souvent. Mais il n'y en a aucun de vous deux qui m'a parlé des cartes jaunes. Ambre. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas de cartes qui... Est-ce que la plupart des cartes qui reviennent, d'après vous, il y a 2 cartes. Il y a la Lilo, il y a vraiment la Lilo qu'on parlait juste avant, qui permet de revenir si on paye 2. Et il y a le Simba. Mais ça, Lilo Simba. Le Simba. Simba, il est en. C'est une carte. Attends, c'est quoi? C'est pas une rare. C'est une légendaire. Une commune Attends, tu parles du Simba. Non, le gros Simba, Terre 3. Le gros Simba. Protecteur et lion, ouais. Oui, qui est légendaire, mais on joue sur 2 cartes, quoi. Quand c'est on ça. Regarde, quand ouais. On vous entend, on joue sur, allez, à tout casser, 8 ou 9 cartes qui reviennent, quoi, pas plus. C'est ça. Voilà. Après, c'est un peu comme dans tous les chapitres. Moi, il y a des cartes, clairement, que j'aimerais bien qu'elles soient plus fortes, hein, le Scar rouge ou le Scar violet. Il en manque un petit truc à chaque fois. Mais après, dans le jaune, c'est vrai que la Tiana, j'ai été étonné. Pour le coup, la Tiana, je pense que ça a été une de nos mauvaises prédictions. On pensait qu'elle serait forte. On pensait qu'elle serait forte et jouée. Et en finale... Il y a une vidéo sur ce point, d'ailleurs, sur votre chaîne. Fait pas le taf, oui. Et elle fait pas le taf, en fait. Parce que, en fait, son effet se fait en 2 temps, parce qu'il faut qu'elle soit épuisée. Et ensuite son effet s'active, donc je rappelle son effet, c'est que chaque fois qu'un de nos personnages est défié tant que Tiana est du coup épuisée, le personnage qui défie subit moins 3 sauf si l'adversaire paye 3 d'encre. Et en fait sur le papier c'est bien, en pratique c'est pas terrible. Encore une fois, dans une méta on est du rouge bleu à 70%, peut-être un peu moins. Non, c'est 34% de rouge bleu. Ouais. 34%, là, c'est parce qu'autour de moi, au tournoi, il y avait trop de bleu rouge, tu vois. Donc pour moi, il n'y avait que ça. Mais du coup, en fait, ça se fait blast assez facilement à la power. Donc du coup, avec un 1, on arrive facilement à la sortir. Donc après, c'est dommage parce que j'aimais bien le concept de faire payer l'adversaire. C'est vrai que c'est dommage qu'elle puisse pas aller plus loin. Après, il y a quand même plus de cartes que ça, hein, du 7-6 qui sont jouées. C'est juste côté Ambre. C'est vrai qu'il n'y a pas eu, grand-chose à part Lilo et ce Simba. Mais on peut citer d'autres cartes. Hein, côté. Il y a le Diablo côté Amethyst. Voilà, c'est le Diablo, ça. Par exemple, c'est ce que j'allais lui, dire. Ouais. Il est joué maintenant dans tous les decks Amethyst. Donc le Diablo 0-1, qui dès qu'il est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc depuis, j'ai plus des Châteaux de la Reine. J'ai arrêté. Mm-hmm. Pas Châteaux de la Reine, j'ai plus mes amis. Bibliothèque. Ah, mes amis de Luna. Oui, les deux. Bibliothèque, je n'en ai plus. Et puis, je n'en ai plus parce que je joue Génie et puis ouais. Diablo et puis les Chernabog. Etc. Ça suffit, et ouais. Coup, j'ai plus besoin. T'as plus besoin. Ça pioche dans tous les sens déjà. Ouais. Alors, il y en a une, moi, qui est revenue souvent. Là, c'est quand je joue contre d'améthyste Ruby, en violet, la fée clochette volant à toute allure, l'insaisissable. Elle ressortait souvent celle-là. Elle est commune, ouais. Insaisissable, 1 pour 3 et l'or pour 2. C'est plutôt pas mal. Bah, voilà, et ça sortait bien, souvent. Alors, c'est vrai que bon, ça, c'est, les insaisissables, c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Alors, quand il y en a une qui l'aura 2, c'est encore plus embêtant. Donc c'est la qui est revenue, mais j'en vois pas. Surtout que la curve en plus, elle est pas mal parce que tour 3, la fée clochette, tour 4, le génie. L'adversaire doit gérer deux insaisissables, c'est très dur. Donc, du coup, à part avoir quelque chose qui frappe en zone, si je puis dire, c'est compliqué de les descendre. Et donc, du coup, c'est du lore assez rapide et facile. Donc, c'est ça qui est pas mal. Et avec le gris, couplé avec le gris, elle peut s'altérer pour 4, donc au tour d'après, sur la grosse fée clochette qui est pas mal. J'ai pu voir aussi en émeraude Fred. Alors pareil, tout simple, il me fait penser un peu à un balou en ambre. Voilà. Donc chaque fois que ce personnage est défié, vous gagnez 2 éclats de l'or. Voilà. Il me fait penser un petit peu à notre balou. Moi, je pensais le voir, lui. Pour le coup, je pensais le voir. On l'a vu. Je l'ai vu. Ah ouais. J'ai déjà vu. Je l'ai vu sortir. Ouais, je l'ai vu sortir. Faire un tournoi avec mon épouse et puis il y en a un qui l'a sorti. Donc, du coup, et c'est bien embêtant, voilà. Donc. Ouais. C'est vrai que dans certaines méta, il peut être bien, mais par exemple, si on revoit beaucoup de Steel Song, bah, je pense que Fred ne sera pas trop joué, parce qu'il ne sera pas défié, mais il se prendra un sort et une chanson ou quelque chose comme ça, et ça sera fini. Quoi. Fred, ça dépend de la méta. Ouais. Et il y en a un que j'ai pas mal vu, et j'étais agréablement surpris, c'est le Prince Philippe, toujours en émeraude du coup. Lui, il est vraiment pas mal. Killer pour 2, il a hors d'atteinte. Tour 3. Donc, c'était vraiment une bonne idée de jouer ce Philippe dans les decks. Ouais. Émeraude. Oui, c'est ça. Moi, les pierres précieuses, ça fait 8. J'ai toujours du mal. J'ai toujours un doute quand je dis une pierre. Je dis jaune, bleu, rouge. Vert. Vert, voilà. Dans le deck, vert. Je dis jaune, ambre. Bon, bah écoutez, on a fait le tour du 7-6. De toute façon, je pense que vous avez fait suffisamment de vidéos dessus. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo. Vous jouez en remote. Donc, Tom est avec violet, vert, et toi, tu es avec bleu, rouge. Voilà. Et puis, voilà. Je crois que c'est votre vidéo, c'est celle où justement Tom fait l'apologie de ce deck. je présente le deck, ouais. Le fameux VV. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, de manière générale, du 7-6. De toute façon, je vous invite à voir les vidéos de Tom et Revan qui sont excellentes sur le sujet, vous verrez. Voilà. On va parler maintenant du challenge européen, l'Orcana. Donc, on en parlait en off. Revan, tu y es allé. Oui, je suis allé aussi. Et Tom a fait son supporter. Voilà. Ouais. Alors du coup, c'était le vendredi, le LCQ, et moi j'étais en vacances en famille, donc je n'ai pas pu m'y inscrire. Voilà. On voit les priorités. Hein. Et c'est Tom qui a raison. Voilà, c'est Tom. Tu as fait les qualifs ou pas, toi, Revan? Les LCQ. Ouais, Ouais, je les ai fait. Je ne suis pas monté après sur l'estrade, donc tu peux te douter que ça s'est mal passé. C'est une magnifique perf. Ouais, génial. Tu en parles avec humour, c'est plutôt pas mal. C'est ce que je pensais vraiment que ça allait m'affecter en vrai, parce que j'ai passé quand même 15 jours à essayer de trouver le deck bleu-rouge, quelle version j'allais faire. Et c'était très compliqué. J'avais fait un tournoi la semaine d'avant où j'avais pas perdu du tout, et c'était clairement my bad. J'avais essayé un truc un peu à ma sauce, bleu-rouge. Et Comme on dit chez nous, à la one again. C'est ça. En fait, j'ai vu une carte la veille et je me suis dit, tu sais, c'est une bonne idée. Non, les idées de la veille, faut pas les écouter. C'est celle-là qui t'a fait perdre ? Oui, en fait, alors c'est la carte prépare ton robot. Donc il m'a pas fait perdre le CLQ, mais le tournoi d'avant, c'est une 1 ancrable qui permet de redresser un objet. Donc moi, je me suis dit, je vais redresser mon sous-fétiche comme ça beaucoup plus rapidement. Sauf que il me collait à la main dès le début de la game. Le sous-fétiche qui voulait pas sortir ou sortait au mauvais moment. Ce qui fait que quand je suis rentré. Le sous-fétiche, tu l'as en deux fois ? Je l'avais en deux fois, ouais. Maintenant, je le joue plus. Je joue les châteaux. Les manoirs, pardon. Ça, c'est 3-7 de rouge-violet. Maintenant, je vois des châteaux partout. Et ouais, le rouge-violet. Le rouge-bleu, je joue le manoir dedans, du coup, parce que contre les miroirs, c'est très très fort, et sachant qu'il y avait quand même pas mal de bleu-rouge, c'était, je pense, un bon call. Alors, Tom, t'as pas pu les faire, t'aurais pris quel deck, toi ? Quelle couleur ? Moi, pour ce LCQ, j'aurais pris violet-vert, du coup. Une version proche de ce que j'ai présenté en vidéo. Peut-être sans les objets. Dans ma version, j'avais mis le Chromicon émeraude et le sceptre. Et j'aurais peut-être changé, même si je trouve que c'est des bonnes cartes dans le deck, mais pour des cartes plus agressives. Voilà. Mais sinon, je serais parti avec ce deck. D'accord. Est-ce que c'était un deck qui ressemblait à celui-là de... Alors, c'est Michele, je crois. Michele. Il ressemble à peu près au sien ou pas ? Alors lui, oui, globalement, ça aurait ressemblé à ça, sauf que lui, il jouait des balais en T1, et il jouait beaucoup de tour 1, il me semble. Je crois qu'il en jouait au moins 13 ou 15, et moi, je pense que j'aurais joué un petit peu moins de T1, peut-être 11 T1, et les balais magiques, peut-être pas. Voilà. Je préfère les Diablos, les Tchernabog et les Ondins. D'accord, tu joues pas de Clarabelle ? Non, je joue pas de Clarabelle, non. Pour permettre d'affronter, je suppose, bleu notamment avec les objets. Voilà. Est-ce que du coup, Revan, tu as fait les autres journées, le samedi et le dimanche, en tant que spectateur ? Alors j'ai fait le samedi, le dimanche je ne pouvais pas, mais j'ai fait tout le samedi, oui. Donc tu avais accès à la journée entière quand tu étais inscrit ou t'as dû... Par exemple, moi j'ai payé juste le samedi après-midi. Ouais, non, alors moi j'avais ma place que pour le samedi après-midi. Par chance, parce que je suis quand même venu le matin pour accompagner un membre de la team qui lui avait pris un billet, mais pour le matin, justement. Et j'étais un peu le taxi, hein, voilà, je le dis, Et du coup, je l'emmène. Mais en contrepartie, j'ai rien perdu. On appelle ça le supporter. Même pas, parce que je pouvais pas rentrer dans la pièce, en fait. En fait, j'étais à l'accueil et j'aurais pas pu aller plus loin. Et donc, au final, mais vu que ce membre de la team, Val, hein, je veux dire son nom, est un cœur en or et qui travaille à Disney, il m'a fait rentrer dans le parc. Donc, j'ai profité d'un matinée au parc et c'était très, très cool aussi. Et Tom, toi, tu as regardé à partir de samedi, je suppose, ou de dimanche, ouais. C'était sur Twitch, à mon souvenir. J'ai regardé un peu sur les deux jours, ouais. D'accord. Surtout les phases finales, un peu comme tout le monde. Ouais. Alors moi, j'y suis allé donc en famille. Quand on était spectateur, on avait notre fameux collier avec le badge avec Baymax dessus. Et, oui. Et puis, on avait des goodies, on a eu des pop-ins, on a eu la possibilité de jouer aussi contre des gens sur une zone. On avait des cartes promo aussi, plutôt pas mal. Et puis on a pu rencontrer aussi les artistes, beaucoup d'artistes, et qui ont pu signer quelques cartes. Et si vous n'avez pas de cartes, il y avait des posters. Voilà, plutôt pas mal. Voilà. Et puis il y avait Nicolas Cole, qui est adorable. Bah, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré ou pas, peut-être pas. Mais, non. C'est lui qui a dessiné Mickey Tailleur, petit tailleur. Ah, exemple. D'accord. Ah oui, oui. Donc il est plutôt. Et puis il y avait un espace, en fait, où vous aviez. Trois espaces où il y avait les commentateurs et vous aviez pas mal de chaises pour regarder en direct. Mais en fait, c'était diffusé en anglais. Et la salle était magnifique, t'as vu, Revan? Oh, ah ouais, moi j'ai adoré. C'était magique. Juste pour se poser, j'ai regretté de ne pas pouvoir être le dimanche, juste pour l'ambiance, le cadre, c'était juste magique d'y être. C'était trop bien. Même se poser et jouer avec des gens, c'était... Ouais. Alors, ma question est la suivante, c'est que pour vous, alors, je sais, en essayant de dans la globalité, alors Tom, par rapport à ce que tu as vu, et Revan aussi, pour vous, quels sont les joueurs qui se sont plus distingués pendant ce challenge pour vous? Alors, sûr, vous allez me dire le premier, c'est sûr, mais... Bah, c'est ce que j'allais dire, mais... Alors, mais, par exemple, moi, Q, c'est celui qui, lui, il sortait un peu du lot. Ah oui. Ça, on serait mal placé pour dire le contraire. On vient tout juste de sortir une vidéo ou un interview Q. On l'a sorti aujourd'hui. D'accord. Okay. Bon, on va remettre un nouveau lien alors. D'accord, vous avez sorti une interview. J'ai pas fait gaffe. Je vais regarder tout à l'heure. Une interview. Okay. Alors, est-ce qu'il est aussi adorable qu'il paraît? Ah oui. Ah, moi, je l'avais déjà vu avant parce que bah, du coup, sur la scène, si je peux appeler ça la scène de Paris, bah, en fait, on rencontre vite les mêmes gens au final parce que les gros tournois, ça attire. Et donc, Kyo, je l'ai déjà affronté trois fois. Il m'a bien battu deux fois. Une fois, je l'ai battu, voilà. Je pars content en me disant que je l'ai battu une fois. Mais bon, après, il a rattrapé. Il m'a dit, je prends ma revanche et il l'a bien repris. Non, super sympa. Et on est très content pour lui qu'il ait sa place pour les Worlds. On sera derrière lui à 100%. Puis tous les autres Français aussi pour les Worlds en mars 2025. Et toi, Tom, est-ce qu'il y a un joueur qui serait sorti du lot pour toi? Surtout, pas le premier, parce que c'est clair qu'il sort du lot, mais est-ce que tu n'as pas un joueur que tu as bien aimé? Il y a un joueur, je suis désolé, j'ai plus son nom, mais il jouait violet-vert et il s'était qualifié aussi lors des LCQ. Violet-gris. Un Belge. Et il avait l'air en tout cas très sympathique. Et à chaque fois, toutes ses parties. Ouais, Douglas. C'est Douglas, c'est ça. Et ses parties étaient très, très serrées, super intéressantes. Et voilà, c'était un peu l'ambiance shonen, quoi. L'outsider qui joue un deck en plus, c'est pas qu'on l'attendait pas, mais qui a moins prouvé que les autres. Et il était là à avoir gagné sa qualification avec le LCQ et être dans les phases finales du tournoi européen. C'était beau à voir. Et en plus de ça, il avait le sourire. Donc c'était super agréable de voir ces matchs qui étaient castés. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs pour vous, un peu des joueurs surprises en fait? Bah, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, hein, des joueurs qu'on ne verrait pas arriver jusque là. Si vous en connaissez bien. En écoutant un peu les commentateurs et puis en regardant pas mal de vidéos, j'avais l'impression que le top 8 était un peu évident, en fait. Et moi, j'ai été au Challenge Arcana de Lille et de Bologne, par exemple, en tant que spectateur. Et je les connaissais même pas, moi. Donc, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé que, quand j'écoutais les gens, c'était quelque chose de... Enfin, le top 8 était évident pour la plupart. Après, cette impression-là... Après, les participants de l'européen, enfin, du challenge européen, c'était déjà de base des gens qui avaient performé pour la plupart d'entre eux dans les différents challenges et donc du coup n'étaient plus inconnu, si je puis dire. Donc c'est si je pense qu'avec toutes ces informations là, les gens, il y a des gens, leur deck par exemple, Kiyu, je le vois, il a failli mais il l'a pas fait. Et je le vois pas jouer autre chose que moi j'associe Kiyu à bleu rouge, c'est son deck, il le maîtrise, je crois que c'est le bleu rouge le plus haut de toute façon dans le classement. Ouais. Je sais plus si me sais semble plus si hein. je mais, c'est ça. Mais je crois que c'est ça. Ouais. Et moi je suis pas étonné parce que il le maîtrise. Et c'est ça aussi qui fait que c'est son deck, à son image. Voilà. Moi, quand je l'ai vu monter sur scène, je me suis dit, ok, jusque-là, je comprends, il est bon. Donc, ça m'a pas trop étonné de le voir. Après, je crois que c'est Domingo, enfin, le premier, lui, il revient de loin, mais je le connaissais pas. Et je sais pas si sur la scène, alors je sais pas d'où il vient. Il est espagnol. Il est espagnol, ok. Mais je sais pas si sur la scène espagnole, du coup, ça se trouve, c'est un très bon joueur. Et mais c'est juste que bah, nous, vu qu'on on est très français et que du coup on se focalise un petit peu aussi sur nos joueurs à nous, c'est peut-être aussi pour ça qu'on connaissait pas en fait. Ouais, mais il est moi rentré dans l'histoire. On a quand même deux Français. Hein. On a quand même deux Français. Ouais. Et ah oui. On a un Belge aussi. On a un Belge, Douglas, du coup. C'est vrai. Qui est Douglas. Donc, oui. Donc trois francophones, on va dire. Ils sont solides, c'est bien. Donc c'est pas mal. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Tom? Non, bah, c'était pour dire que aussi, on ne connaît pas non plus tous les noms des joueurs qui étaient présents et qui étaient même qualifiés. On connaît, oui, évidemment, certaines têtes françaises, mais et d'autres qui ont gagné vraiment les challenges, comme Franck Karsten, qui a gagné celui de Lille, par exemple. Mais non, c'est vrai qu'on ne connaissait pas forcément toutes les têtes et tous les noms de ceux qui étaient dans les phases finales. Par contre, quelque chose qui était étonnant, c'était de voir autant de violets rouges dans le top 4 à la fin. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui a étonné tout le monde. On n'aurait pas forcément parié là-dessus au début du tournoi, quoi. C'est ça. En tout cas, c'était, je trouvais... moi, j'ai fait le challenge de Lille. En tant que spectateur, je ne joue pas au tournoi avec mes deux filles, c'est pas évident. Et j'ai été à Bologne et j'ai trouvé que l'ambiance, par contre, à Paris était. Alors déjà, Cali c'était bien et à Bologne c'était bien, mais là c'était vraiment bien. Je pense que le lieu faisait que c'était super sympa. Mais en tout cas, l'ambiance qui encourageait, qui applaudissait. J'avais pas forcément ça à Lille et à Bologne. Il y avait des coins où on pouvait s'installer en fait, mais je sais pas si vous avez été vous à Lille et à. Ouais, on a fait que Lille, ouais. Et regardez, que Lille. Il y avait un coin pour s'asseoir, en fait. Du coup, vous pouvez s'asseoir et regarder. Mais il n'y avait pas une ambiance comme ça, quoi. C'était plus froid, ouais. C'est parce que le lieu fait que. Ouais, bah oui. Oui, c'est ça. Je ne sais plus, c'était Bologne, ça faisait à moitié un zénith. C'est bizarre. Mais tu vas dire Lille aussi. Mais j'ai trouvé que là, c'était convivial avec la beauté du lieu. C'était vraiment magique, quoi. Puis on pouvait voir Mickey aussi, voir les artistes. Donc tu pouvais. Faire d'autres choses, d'autres activités. Donc voilà. Et j'ai remarqué même que certains arbitres que j'ai vus à Lille et à Bologne étaient là aussi à Paris. J'ai l'impression qu'ils suivent tous les challenges. C'est un peu bizarre. Bon. Voilà. Prochain challenge, c'est en Amérique du Nord. Alors, c'est au mois de janvier et je ne sais plus la date. Peut-être que Révan, il va s'en souvenir. Ou Tom. Non, je ne dis plus. Voilà. Le prochain challenge, c'est pas en Australie? Alors, il y a Melbourne 2025, mais je ne sais pas si... Il y a le championnat d'Amérique de Challenge, le Challenge d'Amérique du Nord, ça, okay. À Disneyland Anaheim en janvier. Ok. Il y a les Worlds, ouais. En 2005, en mars, à la Disneyland Disney World en 2025. Et il y a le Challenge à Melbourne. Mais par contre, j'ai pas la date, à moins que vous ayez la date, mais je ne l'ai pas. Pas du tout. Je sais pas non plus... C'est un petit peu trop loin en termes de kilomètres. Oui, voilà, le billet d'avion, il va être cher. Pour y aller. Voilà. On peut aimer l'Orcana, mais aller jusque là-bas pour... Ah, LCQ de là-bas, tu fais tout le trajet pour un round. Au revoir. Bon, mais en tout cas, vous allez regarder sur Twitch, non, aussi ? Je sais que nous, enfin, moi, ouais, je vais regarder. Certainement, oui. Ah, les Worlds, en tout cas, c'est sûr. Savez-vous, mais... savez-vous comment on se qualifie aux Worlds ? Il faut gagner l'European Championship. Alors, les 8 meilleurs joueurs du championnat européen, donc on les a. Et il faut avoir gagné un... Faut avoir gagné un L'Orcana Challenge. C'est ça. Gagner un L'Orcana Challenge, être dans les 8 premiers au championnat européen, être dans les 8 premiers au championnat nord-américain. Ouais. Voilà. Et donc on a deux Français qui ont gagné des challenges, qui sont Élie Vépierre et Théotim Bouchot. Je crois que c'est Bouchot son nom. Et donc on a deux autres Français qui accompagneront Kiyou et Raphaël au World. Et un Belge Douglas. Voilà. Donc bon, ça va être bien. On va pouvoir tous les encourager de loin, voilà, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Mais on les encourage. Alors, la chose qu'on a eue quand même au championnat européen, on a eu le challenge européen, on a eu la révélation des deux prochains sets. Voilà. Donc, il y a Arcadia Island. Je pense que c'est Arcadia et pas Archeasia. Arcadias, ouais. Arcadia, ouais. Arcadias. Oh, bien joué. Arcadias. Island et Reign of Jafar. Voilà. Alors, du coup, j'ai trouvé que ça fait beaucoup moins qu'avant. Là, on n'en fait que deux pour l'année. Alors, d'habitude, on a quatre. Oh, c'est pas fini. Ouais, on avait quatre. C'est juste pour le premier semestre. C'est ça. Je pense qu'il va y en avoir après. J'avais pas compris que c'était pour le premier semestre aussi. Le premier, c'est Arcadia Island. Ouais. Et le deuxième, c'est Reign of Jafar. Ok, j'avais cru comprendre. Alors, my bad. J'avais cru comprendre que ça sortait en automne, moi, Reign of Jafar. Non. C'est marqué Q2, donc ça va être juin, juillet à peu près. Le deuxième quarter, donc le deuxième quart de deuxième trimestre. De l'année. Ouais, donc du coup, oui, ça va y aller là. Ça va. Oh, le banquier, il va pas aimer. Oui, il va aimer. Bah, je trouve que le rythme reste le même au final parce c'est que. Le même. Mais moi, je trouve un peu rapide. Mais... C'est pareil que sur Yu-Gi-Oh, ce rythme-là. Ouais, c'est pire en pire Yu-Gi-Oh. Maintenant, Yu-Gi-Oh, c'est pas qu'ils en sortent en même temps. C'est un peu compliqué. Deux en même temps. Wow. Ça coûte cher. Beaucoup plus cher. Ouais, Yu-Gi-Oh, il y a plusieurs extensions par mois. Mais c'est des extensions sous des formats différents. Enfin, des formats, c'est toujours le même format de jeu. Mais c'est des extensions. Un coup, ça va être une boîte de display. Un coup, ça va être, je sais pas comment dire. Un deck de structure, etc. Enfin, il y a différents sorties par mois, mais tous les mois il y a des sorties dans Yu-Gi-Oh! Alors que l'Orcana c'est par 7 et il y en a tous les 3 mois et demi. Voilà. Le rythme c'est 3 mois et demi à peu près. Bon, c'est pas mal 3 mois et demi déjà. Ouais. Mais je croyais que c'était pas assez espacé, mais à vous entendre, j'ai l'impression que si ça l'est beaucoup en fait par rapport aux autres. Par rapport à Yu-Gi-Oh! En tout cas. Par rapport à Yu-Gi-Oh! Parce que c'est là-dessus qu'on connaît, qu'on se base. Après, je ne sais pas trop. Je crois pas que Magic, ça sorte. Même s'ils ont fait beaucoup de collabs ces dernières années, je ne suis pas sûr que ça sorte aussi rapidement. Je ne sais pas. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'avait étonné, parce que j'ai été voir quand même pour me renseigner un peu plus pour préparer le podcast. Pour la première du coup extension là, le 7-7, l'île d'Arcadias, j'ai regardé, en fait je vais juste vous lire un point. En gros, sur le site c'est marqué apprenez de nouveaux tours. Oui. Alors, je dis, est-ce que c'est qu'ils vont faire comme les lieux, tu sais, ils avaient sorti les lieux comme ça d'un coup, est-ce qu'ils vont pas faire un truc du même style avec des cartes avec un nouveau tour comme ils disent. Et après c'est marqué bienvenue sur l'île d'Arcadia où nos amis les animaux abondent. Au-delà du casting de créatures câlines, se trouve un ancien secret qui n'attend que d'être découvert. Bref, apparemment, ça sera axé sur les animaux. Et les fameux aristochats. J'y crois pas. Volt, oui, parce que c'est l'image, mais c'est bien Volt. En plus, tu vois, c'est un dessin de mes sous-côtés. Volt, du coup, c'est plutôt pas mal. la sorte, puis il est bien fait. Mais à votre avis, c'est quoi ce nouveau tour? Ça veut dire quoi? Une nouvelle mécanique de jeu? Je pense que c'est ça, moi. Il y a moyen qu'il y ait une nouvelle mécanique de jeu, puisque la dernière mécanique de jeu, c'était les lieux, et c'était au 7-3, donc ça commence à faire un petit moment. Alors, il y en avait eu une autre. C'était les Sing Together. Ouais. Les chantons ensemble, les chansons à plusieurs. Ah oui. Ouais, c'était au 7-4. Mais celle-là, elle n'a pas marché de fou. Pas très joué. Elle n'a pas fait fureur. Après, les chansons... Enfin, les Sing Together, comme dit, c'était pas forcément des chansons vraiment... Enfin... C'était designé pour jouer avec la quête des Illumineurs, pour jouer contre Ursula. Mmh. C'était plutôt pas mal dans ce format-là de jeu. Par contre, en compétitif, en 1 contre 1, c'est plus compliqué. Alors, quel nouveau tour vous inspire? Parce que vous avez l'expérience de d'autres TCG, vous. Quel type de tour on pourrait avoir? Est-ce qu'il n'y aurait pas genre un totem qui va apparaître, genre un psychic? Moi, je vois vraiment quelque chose de psychic, un personnage en plus du deck. Comme un leader. Porte, comme un espèce de leader qui va, enfin, pas forcément un leader parce que c'est plus un psychic du coup, mais qui va accentuer par exemple la rampe ou les dégâts ou le contrôle, tu vois, quelque chose dans ce. Donc, un peu le Captain America de ton deck, quoi. Ouais, voilà. Et si on lui... Je ne suis pas forcément sûr qu'il est attaquable, disons. Mais genre, c'est plus en mode totem qui apporte un bonus sur ta partie. Sans forcément... Est-ce que dans d'autres TCG comme... Celui de l'adversaire. Est-ce que dans d'autres TCG comme Yu-Gi-Oh! Et Magic, du coup, est-ce qu'il y avait des mécaniques particulières que vous avez appréciées, qu'il n'y a pas du coup dans leur canal et que vous aimeriez bien voir? Ouais. Moi, il y a un jeu que j'avais beaucoup aimé, c'était World of Warcraft TCG. Et il y avait une mécanique que j'aimais bien. C'était le fait de... En fait, on devait mettre une carte en mana, quoi, comme si on la mettait en encre dans l'Orcana. Mais quand elle était en mana, c'était une carte qui avait quand même un effet, qui avait une action, on pouvait l'utiliser, et ça s'appelait des quêtes. Donc dans le jeu vidéo, on faisait des quêtes. C'était une carte qui servait de mana, mais en même temps, si on remplissait une condition, on pouvait ensuite la retourner pour dire qu'on avait fini la quête et on avait, par exemple, pioché une carte ou gagné, soigné un personnage, enfin, je sais pas, un effet de ce style-là. Fallait remplir la condition pour retourner sa quête et avoir un effet. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'Orcana avec des cartes qui sont ancrables et qui ont un effet quand elles sont ancrées. Et je pense que... La magie de ce jeu, l'Orcana, je n'ai jamais fait TCG avant. C'est le premier que j'ai joué et que j'ai adoré. Et l'avantage de ce TCG-là, voilà, c'est que même les enfants peuvent y jouer. Et j'ai peur que certaines mécaniques, comme celle que tu viens de dire, Tom, ça complique un peu. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Alors, après, je pense pas que ça arrivera au 7-7, hein, cette mécanique-là, ou que ça arrivera un jour. Mais c'est une mécanique en tout cas que j'avais beaucoup appréciée dans le jeu. Mais est-ce que ça arrivera dans l'Orcana? Je ne pense pas. Par contre, j'ai une autre théorie pour ce 7-7. Ça serait plutôt des cartes bicolores qui pourraient rentrer que dans une association de couleurs. Par exemple, bleu-rouge, un objet bleu-rouge, ou alors... c'est ça. Peut-être qu'ils l'ont teasé, on ne sait pas. Mais il y a une image où on voit... Du coup, sur Volt. Sur l'image, sur l'image de Volt. Sur le site web de l'île d'Arcasia, là où tu as lu Bienvenue sur l'île d'Arcasia, où nos amis abondent, tout ça. Il y a une petite image en dessous avec trois illumineurs. Et celui de gauche, il a un gant. Et dans ce gant, on peut voir deux encres, une rouge et une bleue. Du coup, ça met un peu la puce à l'oreille. Les gars, vous êtes fortiche. Vous êtes jusque là. On a analysé tout de suite. Je crois qu'il y a un violet gris. Ouais. Le guitariste, il est jaune. Ambre et émeraude, et puis il y a violet gris, du coup, au milieu. Donc peut-être des objets. Il n'y a pas VV. T'as pas violet vert? Non, là, c'est violet gris, je crois. C'est Shanzhe, donc la fille. Elle a, elle a un bâton avec du violet et du gris. Ah. Ben, les gars, vous avez l'œil. Hein. Bravo. Ah, c'est pas nous qui l'avons remarqué. Hein. C'est des gens sur Twitter ou quoi qui. D'accord. Qui... Et tu peux pas. Tu peux pas conserver le mythe que c'est toi qui l'as trouvé. Pour le coup, le gant, moi, je l'ai vu en live. Et je me rappelle avoir tiqué sur ce gant en disant que on va avoir des trucs, on va pouvoir jumeler des encres bizarrement, tu vois. Mais je pensais pas qu'il y aurait des cartes bicolores. J'étais pas poussé à ce niveau-là, mais j'avais remarqué le gant qui, il y a un truc de fusion. Voilà, mais après, ils annoncent le feat avec Marvel et il y a Thanos qui va arriver. Voilà, c'est. Voilà. c'est le gant de l'infini. J'ai appris qu'il y avait un TCG Marvel. J'ai appris. Ah ouais. Je savais pas. Attends, je vais te trouver le nom. J'ai appris qu'il y avait un TCG Marvel, mais il ne fait pas succès du tout. Hein. Je crois que c'est une catastrophe. Mission Arena. Voilà. Marvel. Mission ah Arena. Oui. Ouais. Bah, déjà, il y a le jeu mobile qui est Marvel Snap. Ah, Snap. Ouais, je l'ai. Ouais, c'est bien. Ouais. Il est bien. Ouais. Oh, je ne connais pas du tout. Mais, ouais, Mission Arena, ça me dit quelque sympa. Chose. Ouais. J'ai la chance de connaître j'ai des copains qui travaillent dans des magasins de jeux société, dont un qui gère un magasin et il m'a dit j'en vends pas. Ah bon. Par contre, en fait... j'étais surpris, c'est qu'il aurait pensé c'est le TCG Star Wars Unlimited. Il pensait qu'il en vend plus que ça. Il en vend pas mal, mais il disait que c'était pas non plus c'est pas. Voilà. Il pensait par exemple que l'Orcana c'était juste une vibe et puis après ça s'est soufflé. En fait, pas du tout. Maintenant, ils vont quasi que de ça avec des Yu-Gi-Oh! Ouais. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que c'est aussi pour les enfants. Et c'est vrai que bah, y a quand même pas mal d'enfants, même dans les tournois, les gros tournois, on voit pas mal d'enfants, d'adolescents de moins de 15 ans, qui bah, soit qui viennent avec leurs parents, ou alors qui sont accompagnés de leurs parents pour jouer. Et c'est ça qui est aussi très cool. Alors moi, avec j'ai pu faire un tournoi avec ma fille. Ma fille a 8-9 ans. Ah, ça, c'est super. Et on avait fait la sortie du 7-6 ou 5 5, je crois. La sortie du 7-5 avec Ursula. C'est le 5 Ursula, c'est le 7-4. 7-4. Ouais. Bah, c'est le 4. À la sortie du 4, en fait, il y avait la boutique où j'étais. Ils faisaient un événement pour fêter le 7-4. En fait, tu avais, je sais plus, 10 boosters et tu devais prendre 40 cartes. Ouais. Et puis tu faisais ton deck de 40. Mmh. J'avais emmené ma fille et je lui ai dit, tu veux jouer? Elle me fait oui. Donc du coup on a joué. Bah du coup je disais c'est incroyable et j'étais surpris. C'est que quand elle était sur mes genoux et je disais à mon adversaire, on est juste là pour rigoler et jouer. Est-ce que ça te dérange pas que je joue avec ma fille? Il me fait non, vas-y. Et tous, sans exception, m'ont laissé jouer avec ma fille sur les genoux. Et des fois, elle jouait toute seule. Et du coup, ils expliquaient pourquoi, quel coup ils faisaient. Ça. Et du coup, elle a appris beaucoup et du coup, elle voulait y retourner. Donc, on en a fait un autre. Pareil, par contre, là, c'était avec le 7-6. Voilà. On a fait un autre avec le 7-6. Et par contre, là, elle était accompagnée aussi. Parce qu'on a, on sait pas trop comment les gens vont réagir, si tu veux. Mm-hmm. Jouer contre un enfant, est-ce que c'est toujours pas... Moi, j'ai déjà joué contre un enfant. Enfin, je sais pas vous si vous êtes déjà arrivé en tournoi. Je sais pas trop comment... Je voyais la petite fille, par exemple, elle est arrivée, elle avait un deck princesse, mais il n'y a pas de cohérence dans son deck, parce que je pense qu'elle aimait bien la princesse. Oui, elle joue les cartes qu'elle aime. Mettre, tu vois. C'est ça, et du coup, ben, tu sais pas trop comment gérer, quoi. Enfin, moi, c'est... Je sais pas, vous avez déjà joué contre des enfants Ouais. J'ai déjà joué contre des enfants, et ben, il faut se méfier des enfants. J'aurais mis une raclée, 22. Parce que, alors, le truc, c'est que au tout début, je levais le pied parce que je voulais pas les dégoûter. Parce que ça, il n'y a rien de plus horrible de dégoûter d'un jeu. Sauf qu'un jour, j'ai un enfant, il m'a mis une déculottée. Et là, j'ai dit, OK, en fait, c'est des démons. Faut pas que je baisse ma garde. Faut que je donne tout. Et depuis, je donne tout. Et là, la dernière fois, c'était... Tendre, hein. C'est ça. Je veux être trop gentil et... Et du coup, maintenant, j'ai plus de pitié. Ouais. Bah après, c'est toujours cool, tu vois. Ça sera des... le slogan de votre chaîne. Pas de pitié avec les enfants. Tom et Evan, pas de pitié. Ah bah là, alors là, on va gagner des abonnés avec ça. On va faire un best-of où on éclate des gosses à leur canard, en fait. Tire un 20-0. Quand ils pleurent, tu diras, allez, t'as pas à venir. Et toi, t'as déjà joué contre des enfants ou pas en tournoi? Non, j'ai pas encore joué contre des enfants, mais je pense que, comme dire Revan, faut faire attention, ça arrivera forcément, je pense. Ouais. Ouais, et très souvent, c'est le papa ou la maman qui joue aussi et qui a acheté toutes les cartes pour faire un deck compétitif pour leur enfant. Et donc, parfois, ils ont des très bons decks et il faut se méfier. Bah, j'avais un enfant, il jouait avec le deck aggro, le violet ambre. Jaune-violet. Le gamin, il commence à me sortir et il avait déjà 10, j'avais 0. Je suis en train de faire. Après, je dégommais ses cartes parce qu'arrive à un moment donné, toi, tes gens sont sortis. Donc, du coup, tu voyais bien. Après, il a pu mis un seul. C'est un ça. Carte, donc, au final, ça fait. Donc, voilà. Si je peux revenir juste vite fait sur ce qu'on s'est un peu écarté. Sur tout ce que tu veux. On s'est un peu écarté des nouvelles mécaniques qu'on voudrait voir. Et moi, il y en avait une. Que je pense pourrait être intéressante, c'est, alors dans Yu-Gi-Oh! On a ce qu'on appelle des end traps, donc c'est des cartes qu'on peut jouer selon des conditions pendant le tour de l'adversaire ou son tour à soi. Et moi je pensais à des cartes où pour encore mieux, ça complique un peu la chose, c'est des cartes qui seraient activables, donc peut-être pendant le, qui sont déjà sur le board ou dans sa main, en gardant des encres. En fait, parce qu'on a, nous, on joue nos cartes et on essaye d'utiliser un maximum d'encre sans penser ou pendant le tour de l'adversaire. On joue à fond, on essaye de mettre le meilleur board possible et puis ça s'arrête là. Et puis après, on rejoue qu'à notre tour. Et que pour mettre, je sais pas, un peu plus de dynamisme au lieu d'attendre la fin du tour de l'adversaire, d'avoir ce système de cartes qui pourrait avoir un effet en plus pendant le tour de l'adversaire, du coup. Voilà, c'est tout. Je voulais juste ajouter ça. Ah non, c'est parfait. Mais est-ce que la mécanique, comme je disais tout à l'heure, ne serait pas trop compliquée pour des enfants? Parce que, en fait, le débat de tout à l'heure, c'était ça. Oui. Parce que j'ai peur qu'en fait. C'est pour ça qu'après, je pense qu'il faut un certain degré, peut-être, dans les effets ou même dans les nouvelles mécaniques. Parce que du coup, là, ce que je vais dire, ça s'applique aussi à ce que tu disais juste avant. C'est qu'il y a un certain degré de difficulté à mettre. Peut-être dans ces mécaniques pour que ça reste plaisant tout en étant un peu plus complexe, mais sans trop l'être. Ouais. Bon. Merci les gars. J'ai une dernière question à poser que je pose à chaque fois. Et pour conclure dessus. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour des joueurs qui aiment bien leur canard mais entre amis, mais qui ont peur de participer à un événement? Voilà. Est-ce que vous n'auriez pas des conseils à leur donner pour les inviter à participer à un événement? Alors, moi, je sais que, mis à part leur dire que c'est bon enfant, que je n'ai pas vu de. Sauf une fois, j'ai vu, mais c'était à Lille, où j'ai vu que, voilà, il y avait des fights. Mais enfin, ça ne bagarrait pas, mais il y avait des périodes. Mais, entre guillemets, est-ce que vous n'avez pas des petits conseils pour dire aux gens, allez dans les boutiques, jouer contre des gens, c'est pas grave si vous perdez, etc. Est-ce que vous avez quelques tips à leur donner pour leur donner envie d'aller jouer? Déjà, la première chose, c'est que l'Arcana a quand même une communauté où les gens sont plutôt bienveillants. Il y a une bonne ambiance. La communauté, elle est pas du tout toxique. Et rien que ça, déjà, c'est une bonne chose. Et c'est plus facile d'aller dans une boutique pour aller jouer contre des gens qu'on a jamais vus, qu'on ne connaît pas. Donc déjà, c'est une première chose. Et surtout pour des joueurs qui sont pas forcément compétitifs ou qui jouent juste entre eux, c'est bien aussi de c'est tout bête, hein, je vais pas faire ma propre pub, mais de regarder un peu ce qui se fait sur internet pour jouer des decks qui ont performé. C'est pas une mauvaise chose de prendre la decklist de quelqu'un et au lieu de vouloir forcément créer son propre deck. C'est très bien de vouloir créer son propre deck, mais ça demande énormément de parties jouées pour pouvoir l'optimiser. C'est parfois une bonne chose juste de reprendre la liste de quelqu'un qui a topé pour se l'approprier, pour essayer. Artabax. Voilà, par exemple, Artabax, qui est un très bon joueur qui crée des très bons decks. Et c'est pas une mauvaise chose de faire ça, puisque derrière, eh bien, on apprend à jouer le deck, on se rend compte qu'après, on commence à faire des victoires et on prend aussi goût au jeu comme ça. Et au lieu de se faire rouler dessus parce qu'on a voulu jouer un deck princesse parce qu'on aime bien les princesses par exemple. Et du coup c'est ouais voilà c'est un conseil aussi qui est bien à donner aux nouveaux joueurs ou aux joueurs plus casus quoi. Et toi Evan, as-tu quelques conseils à donner un alors, ou deux comme Tom? Ouais alors moi je dis il y a dans les tournois de magasins, si je puis dire, un peu casu, il n'y a pas à se prendre la tête vraiment. Tout le monde y va pour passer un bon moment. Il n'y a personne qui y va en mode je vais tout défoncer, je suis là pour. Je veux du sang, machin, et je vais être sérieux, je vais appeler le judge jouer deux secondes. On n'est pas sur un challenge. Challenge de lead, j'ai vu quelques joueurs faire ça. Je trouve que ça tue un peu l'esprit. Oui. Que l'Orcana veut amener. Mais par chance, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont comme ça, voire très peu. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Parce que c'est bien de jouer entre potes. En vrai, ça c'est bien pour s'entraîner. Le problème, c'est que généralement, on s'entraîne contre les mêmes decks. Ça permet de voir autre chose. Ça permet d'avoir de nouvelles idées aussi. Tu joues cette carte-là, d'échanger et puis de repartir enrichi, si je puis dire. Non, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien les tournois en petite boutique. Et il faut dire une chose aussi, c'est que ça permet de faire des rencontres. On a rencontré comme ça énormément de gens qu'on n'aurait jamais rencontré autrement et avec qui aujourd'hui eh bien, on échange régulièrement et avec qui on se donne rendez-vous, on joue ensemble et ça n'aurait pas été possible si on ne s'était pas déplacé dans les tournois ou dans les boutiques. Donc c'est aussi une très bonne chose de pouvoir se réunir autour d'une passion. Tout à fait. Et comme dit Tom et Revan, c'est une communauté bienveillante. Du coup, je pense qu'avec Revan, on a peut-être vu la même chose à Lille, du coup. J'ai vu qu'un événement. En tout cas. C'était un Anglais, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mmh. Bon, on devait être pas loin. Ah bah oui, on devait être pas loin. Je vois exactement qui c'est. Voilà. Bref. Mais sinon, en général, je l'ai revu plus tard et il est moins comme ça. Voilà, déjà. Il est moins énervé. Bon, ouais, bah, c'est bon. Il est moins énervé. Et puis tendre. Voilà. voilà, pourquoi je parlais de pousser les gens à aller aux futurs événements, c'est parce que, vous savez, Pixelborn est mort, et donc du coup, les gens ne voulaient pas aller forcément en boutique, parce qu'ils étaient nostalgiques de Pixelborn. Voilà. Mais maintenant, grâce à vous, on voit qu'on peut jouer en remote. Grâce à Mulligan Web TV, on voit qu'on peut jouer en remote, on peut faire des tournois en remote aussi. Mmh. Donc c'est ça, c'est en remote qu'on appelle ça. Oui, on appelle ça du remote. Voilà, voilà. Donc il y a moyen même de jouer, d'avoir du plaisir sans passer par Pixelborn. Et au contraire, aller en boutique, c'est toujours pas mal. Donc je sais que nous, par exemple, on a une boutique où tu peux jouer librement. Et puis d'ailleurs, tous les dimanches, c'est les mêmes personnes qui se réunissent pour jouer. Mmh. Et en plus, la boutique, elle fait bar. Donc si tu veux boire une bière en jouant ou un jus de fruits. En jouant à l'Orcana, il n'y a pas de problème, c'est plutôt sympathique. Voilà. Passe un bon moment. Et puis, évidemment, les gens viennent avec leurs enfants. Donc les enfants jouent entre eux. Voilà. J'ai quand même un petit regret, c'est qu'il n'y a pas un championnat enfant. Tu vois, c'est ouais. Championnat de 7 pour enfants. Tu vois, ça va pas, avec un petit tapis spécial pour les enfants. Tu vois, un playmate spécial. C'est dommage. Il y a des events qui le font de temps en temps. Mais ouais, c'est vrai que. Ouais. Oui, de temps en temps, c'est rare. Souvent, c'est des side events. Je crois qu'au Lorca Quest, il y avait un tournoi pour les moins de 14 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais les moins de 10 ans aussi, je crois. Et il y avait aussi Lorcana D. On avait une amie qui avait été Lorcana D. Et il y avait aussi pour enfants. Mais bon, après, ça ne s'est pas popularisé. Il faut bien que ça se fasse un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent jouer. Je sais que moi, ma fille, elle adore Lorcana. Elle a son deck. Alors, ce n'est pas un style song, elle, c'est plutôt un deck. Sept nains, plutôt pas mal avec Blanche-Neige et tout, qui fonctionne bien d'ailleurs. Donc, mm-hmm. Mais comment. Mais C'est vrai que contre des adultes, c'est pas forcément bien, comme tu dis, tu peux. Faut essayer de les battre sans trop les dégoûter, quoi. Donc, tu sais pas forcément comment l'enfant va réagir aussi. C'est vas-y, pleure. <C'est> abandonne. Voilà. En tout cas, les gars, merci Tom, merci Revan. J'espère que ça vous a plu comme expérience le podcast. Ça change. Ouais, c'était super cool. Ça change du. Voilà. Vous reviendrez. Rassurez-moi. Mais évidemment. Si on est invité, on revient. Toujours. Mais bien sûr. On est sûr que Baptiste de Mulligan Web, c'est l'Orcadis qui, qui devait venir de base, je l'ai prévenu un peu trop tard. Donc je m'en veux. Mais le prochain, si vous voulez, on le fera avec Baptiste, qu'on appelle d'ailleurs le beau Baptiste, ou celui qui ne dort jamais. Vous savez pourquoi ? Non, pourquoi ? Parce qu'il l'Orcadis. Il ne va jamais l'Orcadis. Ah, l'Orcadis. C'est ça. Allez, ouais. Oh, c'est bon, en tout cas, donc on vous retrouve sur YouTube. Voilà, avec plusieurs, sont que des vidéos sur leur canal. Est-ce qu'il y a une certaine régularité ou pas sur vos vidéos ? Vous m'avez dit que vous en sortez une aujourd'hui, c'est ça ? Ouais. Ouais, on essaye au moins une par semaine, même si dernièrement c'est un peu compliqué entre le travail et les familles. Mais on essaye d'avoir une petite vidéo par semaine. C'est aussi pour ça qu'à deux, c'est pratique parce que ça permet de se passer le relais. Des fois, de faire des vidéos ensemble, des fois, chacun la sienne. Ça permet de couvrir aussi pas mal plus de sujets, et c'est ça qui est bien. Oui, et puis à deux, vous pouvez aussi faire un brainstorming pour savoir quel thème, quel sujet vidéo vous pourriez faire. C'est ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, petite pause de Noël ou pas pour sortir des vidéos, ou vous en sortez quand même ? Moi, en tout cas, je pense que je ne ferai pas particulièrement de pause. Après, peut-être qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine, comme on dit. Mais voilà, je pense qu'on va continuer. Toi, Revan, est-ce que tu vas revenir proche de ta terre natale pour Noël ? Alors, je demande deuxième terre natale. Du coup, j'aurais c'est quoi ta terre natale ? Tu vis où ? Dans quelle région ? Ma terre natale, c'est le Havre, en Normandie. Voilà. Sauf que c'est cette année... Tu sais que je vis à Rouen. Mais non. Ah, voilà. Normand, à côté de Rouen. Best. Voilà. Ah bah oui, je suis normand pur. Normand. Ouais. Là-bas, je suis de la Manche. Mais ok. Et tu fais pas de tournoi dans le coin, du coup. J'ai bien compris. Ça dépend. Des fois, je me motive. Et là, avec Tom, on avait fait un tournoi madrigal. Vous avez fait les Humineurs le premier, mais ça de l'année dernière, oui, non ? Ça date. C'était ça. Oui, c'était ça, c'était là. Mm-hmm. Je crois que c'était l'un des premiers, non ? Mm. Qu'on avait fait. J'ai vu votre vidéo, j'avais vu. C'est ça qui m'a fait quoi ? À Vernon, là. C'est à Vernon, ouais. Oui, c'était à Vernon. Ouais. Ouais. Bah, voilà, t'es revenu en Normandie quand même. oui, un petit peu. Bah, t'es loin du Havre encore. En fait, j'habite à Paris. Et du coup. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mal d'endroits pour aller jouer. Donc ça, c'est bien, j'ai le choix. C'est bien. Et du coup, il y a du niveau. Quand on veut y aller pour chill, on n'y va jamais pour chill. Alors, juste pour info, moi, j'ai vu la différence de niveau entre la Normandie. Alors, je suis désolé, mais j'ai rien contre les Bretons. Je suis arrivé en Bretagne à un tournoi. Waouh, j'ai trouvé... Je m'en suis carrément bien démerdé. Alors que je suis un joueur lambda qui est en milieu de tableau, tu vois. Je ne suis pas non plus... Et là, j'ai performé à mort. Oh là, il y a un problème là. Par contre, quand je vais boutique autour, pour Audemer ou Rouen ou autre, je trouvais que le niveau était assez élevé. Quoi. Mais il y a une grosse communauté normande, je crois, de l'Orcana, ouais. Malgré tout. Sachant qu'on a un des champions de Théo Team, il est normand, je crois. Et Lee, les deux sont normands. Ouais, il y en a un deux creux normands, et l'autre, je crois qu'il est de Rouen. Enfin, je crois que Théo est de Rouen et Élie de Évreux. Je ne suis pas sûr. Hein. On ne les connaît pas personnellement, mais je crois qu'ils sont normands, en tout cas. Voilà, Normandie bien représentée. Bah, c'est ça. Donc, en tout cas, merci les gars. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience du jeu L'Orcana. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances très pointues. Je tiens à le souligner. Voilà. Vous connaissez déjà vos pierres précieuses par cœur là où c'est ça. Couleur. Voilà. Merci de vous abonner à leur chaîne, les gens, elle est géniale. Franchement, il y a du contenu pour tout le monde. Il y a de la méta, il y a de la méthodologie, pédagogie. Même pour ceux qui veulent vendre sur Card Market, par exemple, il vous apprend, Tom, à vendre sur Card Market. Voilà. Donc, voilà. Pour dire que j'ai regardé. je vois ça. Il y a les prédictions. Je vous dis, j'ai connu votre chaîne grâce à la vidéo sur Illumineur. Et après, j'ai tout regardé. Mais j'ai pas encore vu la dernière, du coup, c'est avec You. Voilà. Mais en tout cas, c'est une chaîne. Si vous aimez leur canal, bah, allez-y. Pour moi, elle fait partie des incontournables, en tout cas, sur le TCG, leur canal. Merci Révan, merci Tom. Ben, merci à toi. J'espère vous voir merci un à jour, toi. De rien, bah merci surtout. On va essayer de faire la prochaine fois avec Baptiste et Angelica. Angelica n'est pas dispo, je crois, mais en tout cas, on essaiera. La prochaine fois, je pense que le prochain, ça va être après le championnat nord-américain. Voilà, on verra, on fera un petit point dessus. Merci Tom, merci Révan, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à la prochaine. Bye. Salut.